Dieu vivant ce matin au nom puissant Saint Jésus-Christ. Tunasalimu kanisa ya Mungu aliye hai asubuhi mu jina la Bwana Yesu Kristo. Je remercie le Seigneur. Ninashukuru Bwana pour sa protection durant mon séjour parmi vous. Juu ya ulinzi wake katika wakati wote niliweza kuikala hapa. Et je remercie le berger. Ninashukuru tena mchungaji. Les associés, tous les diacres et tous les administrateurs. Wa kusaidia washemashi na wadhamini wote. Pour tous les soins. Juu ya kunitunza kote. Que j'ai à recevoir au milieu de vous. Na kunyangaikia kule waliweza kunyangaikia na nilipokea katikati yenu. Je remercie l'église pour votre présence. Ninapikia asante kanisa kwa sababu mlikuwa mwebote. Chaque fois que vous êtes venu écouter la parole de Dieu. Wakati yote mliweza kuja nje kushikia neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki kabisa. Dieu voulant, j'arrête ma prédication ce matin. Ikipendeza Mungu nitashimamisha mahubiri ya asubuhi. Je vais rentrer à Lubumbashi. Tarudi Lubumbashi. Et après je rentrerai à Kinshasa. Na mitarudi ku Kinshasa. Acceptez-vous que j'amène aussi vos salutations à vos frères qui sont à Kinshasa? Mutaitika nipeleke masalamu yenu kwa banduku yenu ba Kinshasa. Le frère Kazumba, l'ancien des associés de l'Ikasi, vous a salué aussi au nom de Saint Jésus-Christ. Nduku Kazumba, pastori msaidizi wa makutano Likasi naye alimsalimu. Vous avez chanté comme des gens sauvés. Muliimba sabato benye kokolewa. Quand quelqu'un est sauvé, wakati mtu yuko mwenye kokolewa, il loue le Seigneur. Eko na sifu Bwana. Il le glorifie. Eko na mutukuza. Il n'a pas honte de danser pour lui. Anana haya ya kucheza juu yake. Parce que lui seul est digne d'être adoré. Sababu yeye pekee anastahili kuabudiwa. Quand nous réalisons ce qu'il a fait pour nous au Calvaire. Wakati tunatambua kila alitufanishia ku Calvary. Nous les indignes comme on a chanté. Chie basho kustahili paka vile tuliimba. Indigne sauvé par grâce. Basho kustahili venye kuokolewa kwa neema. Nous ne sommes pas un peuple. Bale si atukwe taifa. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Tunakuwa taifa ya Mungu. Amen. Amen. C'est une grâce. Ni neema. C'est pourquoi nous le louons. Ndio kwa maana tunamsifu. Et nous le remercions. Na tunamshukuru. Levons-nous pour lire les Saintes Écritures. Tushimame nje kusoma maandiko takatifu. Dans Marc chapitre 10. Marco 10. Partie verset 17. Kuanzia kumstari ya 17. Comme Jésus se mettait en chemin, vile Yesu alikuwa anajiweka katika njia, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Mtu mmoja akamkimbilia na kujitupa kwa miguu yake. Bon maître, asema, me demanda-t-il, mwalimu mwema akamulomba, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nifanye nini juu ya kurithi uzima wa milele? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Yesu akamweleza, kwa nini uniniita mwema? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ni paka Mungu peke yake ndio mwema. Tu connais les commandements. Unajua maamri. Tu commettras point d'adultère. Hautatenda usharati. Tu ne tueras point. Hautaua kamwe. Tu ne déroberas point. Hautaiba. Tu ne diras point de faux témoignages. Hautasema ushuda ya bongo. Tu ne feras tort à personne. Na hautafanyia kibaya mtu. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. Il lui répondit. Akajibu. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Bwana nilitenda hivi yote tangu buyana bwangu. Jésus les a regardé les mains. Yesu wakati alimwangalia akamupenda. Et lui dit, te manque une chose. Na kumwelezea kuna kukosa kimoja. Va. Wendi. Vends tout ce que tu as. Ujisha yote leo kunayo. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Uilete kwa masikini na utakuwa na hazina mbinguni. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Lakini mwenye kuzunika kwa ajili ya ile neno, ule bwana kaenda mwenye kuwa na huzuni mingi kwa sababu alikuwa na mali. Jésus regardant autour de lui et dit à ses disciples, Yesu akaangalia kando kando yake na kuelezea kwa nini. Il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Itakuwa kigumu sana kwa wenye kuwa na mautajiri kuingia mufalme wa Mungu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Ilikuwa ba mnafunzi bakashutuka juu Yesu alikuwa anasema mwili namna. Et reprenant leur dit. Na mkuendelesha akasema. Mes enfants, watoto yangu. Il est difficile qu'à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Iko ngufu kwa wale wenye jitumainia mu utajiri yabo kuingia mu ufalme wa Mungu. Prions. Tuombe. Seigneur notre Dieu, notre Père. Mungu baba yetu na Mungu wetu. Auteur de la vie. Mwenye kuanzilisha uzima. Te disons merci ce matin. Tunakupitia asante asubuhi. Nous sommes venus dans ta présence pour t'adorer. Tulikuja mwepo wako kwa kukuabudu. Nous sommes venus pour te prier. Tulikuja nje kukuomba. Te rendre gloire. Kukutukuza. Nous voulons aussi t'entendre nous parler du haut des cieux. Na tunataka tena kushikia unetusungumzie. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Sababu ulisema mtu ataishi kwa mkate. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Kinyi ataishi kwa neno yote. Bénis ce moment où nous sommes ensemble. Bariki wakati tuko pamoja. Confirme ta parole. Hakikisha neno lako. Vivifie-la dans nos cœurs, Seigneur. Upate kuifanya ipate kuwa hai ndani yetu. Nous sommes ici, nous puissions te rendre gloire. Tunatotaka mkutoka hapa tukutukuze. Il était bon d'aller dans sa présence. Ya kwamba ilikuwa mzuri. Chaque frère, chaque sœur, bénis chacun de nous. Assistez-moi aussi, secours-moi. Quand j'ai besoin de ton secours, sans toi je ne peux rien faire. Sauve les pécheurs ce matin. Délivre ceux qui sont possédés. Bénis celui qui a besoin du Saint-Esprit. Que toute grâce excellente puisse demeurer au milieu de nous ce matin. Au nom du Seigneur, sauveur Jésus-Christ. Mungina ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de viens et suis-moi. Hii asubuhi tutasemea juu ya kuja na unifuate. Viens et suis-moi. Kuja na unifuate. Lorsque vous suivez quelqu'un, wakati unafuata mtu, ou une voix, wala sauti moya, vous devez être rassuré. Unapaswa kuwa na hakikisho. Où est-ce qu'il vous amène? Eko na kupeleka wapi? Alléluia. Amen. Souvent les gens suivent les autres. Zaidi bantu banafuataka bengine. Il y a ceux qui suivent les stars. Bale banafuataka bantu bakujulikana mu dunia. Stars de musique. Ba mamimbo. Ou les stars de cinéma. Ba bale banafanyaka ma film. Vous verrez les femmes, les imiter dans leur habillement. Mtona banamuke banaza bafuatirisha mnamna ba kuvala. S'ils s'habillent d'une façon sexy. Kama banavala mnamna ya mubaya. Vous verrez toutes les femmes s'habiller d'une façon sexy. Mtona banamuke bote banaza kuvala mnamna kuonesha maungu yapo. Vous verrez des jeunes garçons, même des grandes personnes. Mtaona biana wala hata watu wakubwa. S'habiller comme des stars de musique. Ndio banavala saba watu bale banyi kujulikana mu mamimbo. Amen. Amen. Mais tout cela, lakini yote ile, ça vous amène à la perdition. Iko na kupeleka tu kupotevu. Ce n'est pas la voie sûre qu'il faut suivre. Aina njia ya mzuri ile napasha kufuata. Amen. Amina. Les gens suivent bien des choses. Bantu banafuataka bitu bya mingi. Mais il y a une seule personne que nous devons suivre. Lakini kuku tu mtu mmoja ule tunapasha kufuata. C'est le Seigneur Jésus Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Parce que lui, il est le chemin. Sababu yeye ni njia. Il est la vérité. Eko ukweli. Il est la vie. Na eko uzima. C'est le seul chemin qui nous amène à la vie. Ni njia peke yake inatupeleka ku uzima. La Bible dit. Biblia inasema. Toute voie paraît juste à un homme. Njia yote inaonekana mzuri kumbele ya mtu. Mais sa fin, c'est la perdition. Lakini mwisho yake ni upotevu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons savoir qui suivre. Tunapasha kujua ni nani tunapasha kufuata. Ou arriver à bon port. Njia kuweza kufika kumwisho mzuri. Et quiconque suit Jésus-Christ. Na yeyote anamfuata Yesu Kristo. Ne sera jamais perdu. Kamwe hatapoteaka. Mais si vous suivez le monde. Lakini ukifuata dunia. Vous serez perdu. Utapotea. Parce que le monde et sa figure passent. Kwa sababu dunia na yenye uso yake kunapita. Le monde que vous voyez ici. Hii dunia mko naona hii. Avec son éclat. Na hii kukuangala kwayo. Avec tout ce qu'il présente. Na yote liko naonesha. Ce monde passe. Hii dunia iko napita. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Lakini anayefanya mapenzi ya Mungu. Celui qui demeure éternellement. Jo leko na dumu milele. Amen. Amina. C'est pourquoi il est très important. Jo kama naiko ya mafasa sana. De savoir celui que nous devons suivre. Ya kujua ni nani yule tunapaswa kufuata. Parce que après tout, kwa sababu kisha yote, à la fin de cette vie, kumwisha hii uzima, nous allons quitter cette terre. Tutatoka hapa dunia hapa. C'est là il y a le problème. Jo pege kwa mambo. Ce sera la dernière épreuve. Jo itakuwa kipimo kya mwisho. Où tout homme doit affronter. Pale mtu yote anapaswa kupingana. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Jo kama na Biblia inasema hivi. Dans Esaïe chapitre 26. Muisaya makumi mbili na sita. 26:7. Makumi mstari ya saba. Chapitre 26 verset 7. Sura makumi mbili na sita mstari ya saba. Le chemin du juste est la droiture. Njia ya mwenye haki ni unyofu. Toi qui es juste. We mwenye kwa mwenye haki. Tu as plani le sentier du juste. Uko nafanya njia ya mwenye haki ipate kuwa ya mzuri kabisa. Amen. Amina. Seul Dieu a plani le sentier du juste. Ni Mungu tu peke yake ndio anafanyaka njia ya mwenye haki ipate kuwa ya mkunyoloka. Et le chemin du juste c'est la droiture. Na njia ya mwenye haki ni unyofu. Et pour marcher dans la droiture. Na njia kutembea munyofu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Tunapasha kutii kuneno la Mungu. Parce que la foi marche avec l'obéissance. Kwa sababu imani inatembeaka na kutii. Et l'incrédulité avec la désobéissance. Na kutokuamini kunatembeaka na kukosa kukosa kutii. C'est pourquoi. Jo kwa maana. Dans Deutéronome chapitre 30. Mkumbukumbu makumi tatu. Il y a aussi ceux qui suivent les églises. Il n'y a aucune église qui sauve. Alléluia. Amen. Le chemin, ce n'est pas l'église. Njia, aina kanisa. Le chemin, c'est l'homme Jésus-Christ. Njia, ni mutu Yesu Kristo. Le salut, ce n'est pas l'église. Wokovu, aina kanisa. Aucune église ne sauve. Hakuna kanisa ta moye na ukolaka. Le sauveur est seul. Mwokozi ni peke yake. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est lui seul. Ni yeye peke. Il est le sauveur. Jo mwenye kwa mwokozi. Amen. Amina. C'est très important. Iko ya mafasa sana. De connaître ces choses. Kujua hivi vitu. Pour que nous sachions comment nous devons marcher. Ili tujue ni namna gani tunapaswa kutembea. Dieu, il est Dieu de sa parole. Mungu eko Mungu wa neno lake. Il ne change pas. Habadiliki kamwe. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 30. Tutasoma mkumbukumbu makumi tatu. Verset 19. Minatisa. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Minabeba kama mushuda leo kwegunjwe juu yenu budunia. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Niliweka mbele yako uzima na lufu. La bénédiction et la malédiction. Baraka na laana. Choisis la vie afin que tu vives. Chakula buzima ndio upate kuishi. Toi et ta postérité. Wewe na uzao wako. Amen. Amina. Dieu a mis devant tout homme deux chemins. Mungu aliweka mbele ya mtu yote manjia mbili. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Njia ya uzima na njia ya lufu. Le chemin de la mort c'est le chemin du péché. Njia ya lufu ni njia ya dhambi. C'est le chemin du monde. Ni njia ya dunia. Vous savez ce qui conduit le monde? Mnaona kile kinaongoza dunia? Excuse. Nyiremu. C'est la convoitise de la chair. Ni tamaa ya mwili. C'est la convoitise des yeux. Ni tamaa ya macho. Et l'orgueil de la vie. Na kiburi cha maisha. Mais le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ. Lakini njia ya uzima ni Yesu Kristo. C'est ça la bénédiction. Jo baraka. Choisis la vie afin que tu vives. Chagula uzima ili upate kuishi. Toi et ta postérité. We na uzao wako. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Vya kumpenda wa milele Mungu wako. Alléluia. Amina. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Vya kupenda wa milele Mungu wako. Pour obéir à sa voix. Vya kutii ku sauti yake. Et pour t'attacher à lui. Na njua kuambatana naye. Car de cela dépend ta vie. Kwa sababu ni mwile mambo njoo ubujimo bwako utapatikana. La prolongation de tes jours. Na kuendelesha kwa maisha yako. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. Na ni njoo vile utaweza kuketi mwile hili. Que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Ile wa milele alilapa kuleta kwa baba yako. Abraham, Isaac et Jacob. Ibrahimu, Isaac na Jacob. Amen. Amina. Nous voyons ce jeune homme. Tukunaona ukiana. Riche, mutajiri. Ce jeune homme entrepreneur. Mutajiri wa kutenda makazi. C'est un garçon qui avait une bonne éducation. Nikiana moyo alikuwa na majibisho mzuri kabisa. Il avait été bien élevé par ses parents. Aliadibishwa mzuri na wazazi yake. Parce qu'ils l'ont amené au temple tout le temps. Kwa sababu wakati yote wanaanza kumpeleka kwa makutano. Kuekalu. Et on lui a appris la loi de Moïse. Na bari mufundisha sheria ya Musa. Qu'on lisait tout le temps dans le temple. Ile bari kwa unasoma wakati yote mwekalu. Et ses parents pour assurer son avenir. Na bazazi yake juba kupate kutengeneza muenda mashiku yake. Je crois qu'il lui avait appris comment faire les affaires. Bari mufundisha namna kani ya kufanya biashara. Parce que très jeune, il avait déjà reçu dans les affaires. Kwa sababu mwenye kwa tukiana, lakini alikosha kuweza sana mbiashara. C'est pourquoi on l'appelle le jeune homme riche. Joka manabeo na mwita sema kiana mutajiri. Mais, lakini, malgré qu'il était religieux, hata vile alikuwa wa kidini, malgré qu'il fréquentait l'église, hata vile alikuwa konenda kukanisa, du fond de son cœur, mupana wa moyo wake, dans son âme, munafsi yake, il était conscient qu'il n'était pas sauvé. Alikuwa tunadhamiria kwamba kwa mwenye kuokolewa. Nous pouvons tromper les hommes. Tunaweza kulanda bantu. Nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Lakini shebe yenyewe hatuwezi kujidanganya. Et nous ne pouvons pas tromper Dieu. Na hatuwezi kudanganya Mungu. Ton esprit le connaît bien. Roho yako inaisha kuiwa mzuri. Il allait à l'église. Il allait dans le temple. Et il a reçu dans les affaires. Na ariweza mubiashara. Il avait beaucoup de biens. Des grands biens. Mari mikubwa. Alléluia. Amina. Cependant, malgré qu'il était religieux, Japo, ata vile alikuwa wa kidini, c'est ainsi qu'il n'était pas sauvé. Jo vile akukuwa mwenye kuokolewa. Mais il avait appris que le Messie était sur la terre. Lakini alijulishwa kwamba Masiha alikuwa kwa dunia. Dieu, Mungu, s'est fait homme. Alijifanya mutu. Il est devenu un homme. Anakuwa mutu. Pour accomplir la rédemption. Jia kutimiza ukombozi. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Ilikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Il était né d'une vierge. Alizalika tokea bikira. Et il était sur la terre. Na alikuwa pa dunia. Il a appris ça. Alijulishwa ile mambo. Un jour il a eu cette chance. Siku moja alipata ile bahati. C'est une grâce. Ni neema. Il n'y a pas plus grande grâce que celle-là. Hakuna neema mkubwa kuliko ile. C'est rencontrer l'homme de Galilée. Kukutana na mtu wa Galilaya. Rencontrer Jésus-Christ. Kukutana na Yesu Kristo. Avoir un mari c'est bien. Kuwa na mume ni mzuri. Rencontrer une femme c'est bien. Kukutana na mwanamke ni mzuri. Rencontrer les chefs de l'État c'est bien. Kukutana na rais ni mzuri. Rencontrer les grands du monde c'est bien. Kukutana na watu wakubwa wa dunia. Parce que si vraiment le président vient te visiter chez toi. Kwa kama tu rais na kukutembea kwako. On va même te respecter. Na watanzania kuheshimia. Mais rencontrer Jésus-Christ, lakini kukutana na Yesu Kristo, c'est la vie. Ni uzima. Amen. Amina. Il a eu l'occasion Alipata bahati. Que ce jour là-bas. Ya ile siku ile. Jésus passe dans sa ville. Yesu apite mu mji yake. Je sais pas si c'était dans son avenue. Mishiwe kama ilikuwa mu avenue yake. Quand il a vu ça. Wakati tu anaona ile. Il a été couru. Akakimbilia. La Bible dit que j'étais na Biblia inasema alienda kulitupa chini. Il s'était agenouillé. Alienda kutwanga magoti. Il était bien éduqué. Alikuwa mwani mwema. Il s'était approché correctement. Na alimkaribia mzuri mzuri. Dans la révérence. Muheshima. Dans la présence de Jésus-Christ. Muwepo wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Il a dit bon maître. Akasema mwalimu mwema. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nitafanya nini juu ya kurithi uzima wa milele? Malgré qu'il avait beaucoup de biens, hata vile alikuwa na mali mingi. Il était sûr. Alikuwa na hakika. Qui n'avait pas la vie éternelle? Hakukuwa na uzima wa milele. Jésus lui dit. Yesu akamuelezea. Pourquoi m'appelles-tu bon? Jua nini unaniita mwema? Il y a qu'un seul qui est bon. Huko tu ni mmoja tu ndio mwema. C'est Dieu seul. Ni Mungu peke yake. En d'autres termes. Kuna mwingine mwingine akusema. Est-ce que tu as la révélation? Eti huko na ufunuo. Que je suis Dieu? Ya kwamba niko Mungu. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu que par révélation. Kwa sababu Mungu ni unaweza kumjua ni paka kupitia ufunuo. Tu peux entendre dire. Unaweza kushikia basi. Parce qu'un prédicateur l'a dit. Juu mhubiri mwa fulani. Que Jésus est Dieu. Anasema Yesu ni Mungu. Ça ne suffit pas. Aiene ya itoshe. Il faut que Dieu lui-même. Inapasha Mungu pekee yake. Révèle cela. Atufunulie ile. Alléluia. Amina. Sans la révélation. Bila ufunulo. Tu connais Dieu par la connaissance. Unamjua tu Mungu kwa ufahamu tu. Et Dieu ne connaît pas par la connaissance. Mungu hamfahamu yake kwa kujua tu kujua. Oui mon frère. Kisha ndugu yangu. Il y a des frères qui étaient avec nous. Kuko bandugu walikuwa katikati yetu. Walikuwa pamoja. Ils ont entendu dire par un prédicateur. Kuko bahubiri. Que Jésus est Dieu. Asema Yesu ni Mungu. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Ils disent que Branham est Dieu. Beko nasema Branham. Est-ce qu'ils avaient connu Jésus? Eti barimjua Yesu. Dans la révélation. Mufunulo. Non. Hapana. Ils ont seulement entendu. Barikikiaka tu. Mais ils n'ont jamais reçu la révélation. Lakini abaya pokeaka ufunulo. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11. Matayo 11. Dieu. Mungu. Nous devons le connaître que par la révélation. Et la révélation est individuelle. Na ufunuo ni ya kila mtu pale wake. Alléluia. Amina. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit. Ile wakati Yesu akapewa sauti na kusema. Matayo 11:25. Je te loue. Na kusifu. Père. Baba. Seigneur du ciel et de la terre. Bwana wa mbingu na dunia. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ile ulifichika hivi vitu kwenye hakimu na akili. De ce que tu les as révélés aux enfants. Na vile ulivifunula kwa watoto. Oui Père. Ndio Baba. Je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Na kusifu kwa sababu ulipenda hivi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Yote bilinipewa na baba yangu. Personne ne connaît le fils. Na mtu hamjui mwana. Si ce n'est le Père. Isipokuwa kupitia baba. Et personne non plus ne connaît le Père. Na mtu mwa kamo ya ujui baba. Si ce n'est le Fils. Kama ina kupitia mwana. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Na ule kwake mwana napenda kufunulia hayo. Amen. Amen. Dieu. Mungu. Tu ne peux pas le connaître par l'intellect. Hawezi kumfahamu kupitia akili. Jésus dit, yes, est-ce que c'est par révélation que tu m'appelles bon? Parce qu'il y a que Dieu seul qui est bon. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Et Jésus a dit, na yeso akasema, tu veux avoir la vie éternelle? Unapenda kuwa na uzima wa milele? Pratique les commandements. Tenda maamuri. Il dit lequel? Asema ya wapi? Jésus lui a tout de, il avait tout annoncé. Yesu akamuelezea yote. Énoncé plutôt. Akamtaia yote. Il dit. Asema. Si c'est ça. Kama ni hili. J'ai déjà la vie éternelle. Asoka ndiko na uzima wa milele. Parce que depuis mon enfance. Tangu mtoto yangu. Je me suis appliqué à faire ça. Nilianza kujikaza pa kutenda vile. Jésus l'a regardé. Yesu akamwangalia. La Bible dit Jésus l'a aimé. Biblia inasema Yesu alimpenda. Kwa sababu ashukona la. Réellement. Kweli kweli. C'était un monsieur qui pratiquait la loi. Ni kwani bwana mwa alikuwa anatenda sheria. Jésus l'aimait. Yesu akampenda. Il dit, ah, asema, comme Jésus était Dieu. Sa vie est sur quoi il a regardé. Anamuangaria. Il était attaché à une chose. A rikuwa mwenye kuambatana na kitu kimoja. Abungu c'est bien. Na kumi kumari yake. Il a dit, oh, il te manque une chose. Acha kuna kukosa kimoya. Va vendre tout ses biens. Wendo kaujishe mari yako yote. Donne ça aux pauvres. Wendo kalete ba mwenye kumari. Oui. Kisha ku. Suivez-moi. Kwa unifuate. C'est ça la vie éternelle. Job ujima wa mile. Mais suivez-moi Jésus. Unifuate ami Yesu. Alléluia. Amen. Mais le jeune homme était triste. Ule kiana ritu uzunika. Allez vendre toute la richesse qu'il a bâti depuis son jeune âge pour vivre Jésus qui n'avait même pas de maison. Alléluia. Amina. Tout vendre comme ça et donner aux pauvres. Il était triste. Alikuzunika. Alléluia. Amina. Peut-être quand on parle de richesse. Sasa zingine wakati wewe unasemea mji wa mali. Toi tu penses seulement sur qui ont des voitures. Unaangalia paka pale wewe una mambo una mamnyoto. Qui ont des maisons. Wewe una manyumba. Qui ont des affaires. Wewe una mabiashara. Ce n'est pas seulement ça. Haina paka ile. Tu peux être riche en mensonge. Unaweza kuwa mtajiri mbongo. Tu peux être riche en orgueil. Unaweza kuwa mtajiri mkiburi. Tu es peut-être riche en insoumission, ma soeur. Malgré que tu viens dans l'église. Mais une femme insoumise est impossible. Tu connais ta richesse. Tout ce qui est plus précieux devant toi plus que Dieu, c'est ta richesse. Alléluia. Amen. Je sais que là, Jésus nous demande d'abandonner. Pour suivre Jésus, nous devons tout abandonner. Les suivre lui seul. Lui seul doit prendre la première position dans notre vie. Le reste doit être secondaire. Alléluia. Amen. Peut-être une jeune fille, c'est ta beauté qui est ta richesse. Peut-être c'est cela ta richesse. Peut-être un jour il y a une utajiri. Jeune garçon. Qui a un amonaume. C'est peut-être la cigarette pour toi que tu ne veux pas abandonner. Peut-être c'est la boisson que tu ne veux pas abandonner. Parce que ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ continue à boire en cachette. Non. Apana. Impossible. Alléluia. Amen. Parce que nous avons vu avec vous, lorsque quelqu'un vient dans la présence de Jésus, les choses changent. Amen. Amen. Je me rappelle quand on était parti en campagne d'évangélisation à Malemba. Nakumbuka wakati tulienda mu campagne de avec le pasteur Ekaka. Pamoja na pastor Ekaka. Il y avait une jeune femme. Kulikuwa na binti moja. Qui n'aimait pas vraiment les serres, tout ça. Yes, quoi, ça peut tout badala, pour un problème personnel. Du tout, y a mambo yaki. Mais quand elle est venue au stade, elle a écouté l'évangile. Elle a écouté la parole de Dieu. Elle a cru qu'on est allé la baptiser. Après, son pasteur luthérien est venu avec sa femme. Il a suivi. Pourquoi tu es parti là-bas? Tu as abandonné notre église. Il dit, pasteur, je ne sais même pas. Quand je suis arrivé là, quelque chose m'a appris. Et j'ai cru. Et moi je ne peux plus rentrer dans votre église. Alléluia. Amen. Quelque chose a changé en elle. Mais mon frère, tu continues à fumer. Un jour Dieu va te déconfondre. Un jour je prêchais à Mwanimusha. Je ne savais pas qu'il y avait un frère qui fumait. Je lui dis, frère. On prêche, cessez de fumer. Vous continuez à fumer. Un jour, tu vas te brûler. Un jour après, siku moja kumkisha, ni mahubiri kwa nini? Ah, c'est une prédication. Il a allumé son cigarette. Il a commencé à fumer. Un soir, le frère est sorti. Ah, ndugu mwana il a mis en poche. Anaweka mpoche. Le frère aussi ne partait pas. Ndugu na yashi. Il a commencé à causer. Bananza et là, il brûlait. Na pala, dans la poche, il brûlait. On ne s'amuse pas avec Dieu. Alléluia. Amina. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Una pacha kutii kuneno la Mungu. Amen. Amina. Ce jeune homme, uki anawe. Il a rejeté l'occasion. Aritupa ile bahati. Pour avoir la vie éternelle. Bata buchima bwa milele. Il était devant la vie éternelle. Alikuya mbele ya buchima bwa milele. Il était devant le don de Dieu. Alikuya mbele ya zawadi ya Mungu. Jésus-Christ. On lui a montré ce qu'il allait fallait faire. Mais il était fâché. Il est rentré chez lui. Quel malheur. Parce qu'il avait des grands biens. Oui, mon frère. Ma soeur. Il est rentré triste. Des fois. Nous nous attachons à des richesses. Quand ces choses sont passagères. Paul écrit à Timothée. Timothée chapitre 6. Timothée au point de cita. Verset 6. C'est en effet une grande source de gains que la piété et le contentement. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'emporterons rien. Nous n'avons rien amené dans le monde. Et le jour où tu quitteras la terre, vont rester, les voitures vont rester, les richesses vont rester, mais qui sera là? Sasa ni nani atakuya? Si toi tu as espéré seulement dans le monde, kama wewe ulitumainia paka mudunia, aux choses passagères, na kuvitu vya kupita. Alléluia. Amina. Tu n'emporteras rien. Lorsque nous allons au cimetière, on est allé enterrer pauvre tête. Tu n'emporteras rien. Parce qu'il y a même des femmes qui aiment leur mari plus que Dieu. C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Si Dieu nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Cela nous suffira. Alléluia. Amina. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Amina. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés même dans le bien de tourment. Alléluia. Amina. Il y a eu des foyers stables. Urukuya, majamai, chaque jour il venait à l'église. Yote, chaque vendredi à la prière. Lorsque Dieu les a bénis matériellement, babariki, les frères est allé prendre une deuxième. Malheur à toi. Et des fois, les gens commencent d'abord par la prostitution. Ils continuent, ils commencent d'abord à coucher avec cette femme là-bas. Et puis ils veulent la transformer en deuxième femme. Ce n'est pas correct. Si vous êtes un fils de Dieu, tu dois l'abandonner. Dieu te jugera pour ça. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice. Tafutisha waki, la piété. Na unutawa, la foi. Imani, la charité. Vendo, la patience. Uvumilifu, et la douceur. Na upole. Alléluia. Amina. Voilà des choses que nous devons rechercher. Zobitu bile shitu, napasa kutafutisha. Ces choses matérielles hivi vitu vya kimwili ne peuvent pas satisfaire notre âme. Haviwezi kusaidia kutosha nafsi yetu. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Dieu nous invite. Ndio kwa maana Mungu anatualika à venir à lui. Kuya kwake. Il y a eu des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Beaucoup de succès, des stars. Après, ils se sont suicidés. Pourquoi? Dans leur âme, il y avait un vide. Ils avaient l'argent. Ils avaient la gloire. On les louait partout. Après, ils se rendent compte qu'il n'est rien sans Dieu. Alors, comme il n'a pas eu l'occasion qu'on lui prêche Jésus, il se suicide. Et il est perdu pour l'éternité. Anapotea bia lote. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que la seule chose kitu tukimoya qui peut satisfaire notre âme, ile kinaweza kusaidia na kufurahisha nafsi, la présence de Jésus-Christ dans notre cœur. Ni paka uwepo wa Yesu Kristo ndani ya moyo wetu. Pas les biens matériels. Hapana mali ya kimwili. Amen. Amina. Dans Isaïe 55. Isaïe 55. Verset 1. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait. Sans argent, sans rien payer. Alléluia. Amina. La vie éternelle, c'est gratuitement. Mon ami pêcheur qui est venu pour la première Rafiki fois. Mon ami, Rafiki yangu, aujourd'hui, Léo, Dieu t'aime. Anakupenda. Parce que tu entends ce serment. Kwa sababu kuna shikia hii. Dieu donne ça gratuitement. Mungu eko na ileta bia bule. La vie éternelle. Kujima bwa milele. Sans argent. Bila pesa. Sans rien payer. Wala kulipa kitu. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Juu ya nini muna tosha pesa juu ya ile airishe? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne se rassasient pas? Écoutez-moi donc. Vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes sanctions. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Pour rendre durable mes faveurs envers des vies. Yangu njoo ya David ipate kuendelea. Alléluia. Amina. Recevez Jésus dans votre cœur. Pokeeni Yesu ndani ya mioyo yenu. Votre âme vivra. Nafsi yenu itaishi. Alléluia. Amina. Mais ce jeune homme a refusé d'écouter la voix de Dieu. Lakini ukiana alikatala kushikia sauti ya Mungu. Il a rejeté le chemin de la vie. Aritupa ta yenye njia ya buzima. La chose pour laquelle il était même venu chercher. Kitu kienye kila rikuia jua kutafuta. Quand on lui présente. Baana, il rejette cela. Yale kitupa. Amen. Amina. C'est ce que nous voyons même avec certaines sœurs. Jo kile tuku naona na tana badada fulani. Quand le mari meurt. Wakati mume anakufa. On va la marier par un mfumu. Banenda kumuoa kwa mfumu moye. À cause du mariage. Ah, tu as mtu ya ndoa. Le mariage c'est pour un temps. Ndoa ni ya muda. Ce n'est pas éternel. Aina ya milele. Alléluia. Amina. Au verset 7. Mstari ya saba. Que le méchant abandonne sa voie. Mtu mubaya aache njia yake. Et que l'homme dit niquitte ses pensées. Na mtu muovu aache mawazo yake. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Arudie kwa milele na tamshikira kwa Mungu. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mungu wetu asitokake kurudia. Alléluia. Amina. Quel que soit ce que tu as fait. Aizuru nini ulifanya. Ce matin, asubuhi, tu entends l'évangile, injili, la parole de vérité, neno la ukweli, croyez pour que tu sois sauvé. Amini juu upate kuokolewa. Alléluia. Amina. Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema, mes brebis entendent ma voix, kondoo zangu inasikia sauti yangu, et me suivent. Inenifuata. Mes élus de Dieu, bateule ba Mungu, ils sont toujours obéissants à la voix de Dieu. Wakati yote banikalaka batifu ku neno la Mungu ku njia ya Mungu. Dans Jean chapitre 10. Yohane 10. Jésus dit. Yesu anasema. Mes brebis m'entendent. Kondoo zangu nishikia. et suivent ma voie. Ils ne suivront pas un étranger. Alléluia. Amina. Dans Jean chapitre 7, Jésus dit, il dit à vous qui avez soif, vous qui avez soif du monde et des choses du monde, parce qu'il n'y a pas de satisfaction dans les choses du monde. Mon frère, dans les choses matérielles, il n'y a pas de satisfaction. Allez dire aux gens qui ont beaucoup d'argent, je ne vais pas citer les noms. Quand tu me dis tu as beaucoup d'argent, non, je n'ai pas beaucoup. J'ai que 2 millions. Du coup, tu as 2 millions, boule. Il veut toujours en avoir. Il n'y a pas aussi de satisfaction dans la convoitise. Mon frère, ce n'est pas la polygamie qui va enlever ta convoitise. Si tu as la convoitise, même si tu as 1000 femmes, tu chercheras pas à l'ajouter. Mais seul Jésus-Christ, quand vous venez aux eaux, vous buvez, la soif est étanchée. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dans Jean 7, verset 37, le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus s'éteint debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. En d'autres termes, dans une bonne traduction, c'est lui qui croit selon les Écritures, les fleuves d'eau vive couleront en lui. Amen. Amina. Et de l'eau de la vie, c'est le Saint-Esprit. Na maji ya uzima ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Oui, mon frère. Dio ndugu yangu. Oui, ma soeur. Dio dada yangu. Dieu nous demande à tout abandonner pour suivre Jésus. Mungu anetuomba tuache vyote njoo kumfuata Yesu. Vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ et le monde. Hawezi kufuata Yesu na dunia. Suivre Jésus avec des hydroquinones. D'ailleurs, quand Jésus vient en toi, tu ne vas même plus t'appliquer cette lotion-là. Il enlève la soif. Tu resteras naturel. Mais vous voyez aujourd'hui les gens qui perdent leur temps. Ils suivent la beauté du monde. Vous voyez les femmes acheter des mèches, des perruques de toutes sortes. Mais tu les fais pour plaire à qui? Est-ce que c'est pour plaire à Jésus-Christ? Restez ma soeur comme Dieu t'a créé. Dieu t'aime comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu es noir. Tu veux devenir blanc. Quelle confusion. Vous pensez que Dieu s'est trompé. Même les hommes. Balance pour pas la tu veux être épousé par qui? Ce sont les péchés des femmes. Parce que les femmes aiment la beauté. C'est la nature. Mais restez avec la beauté naturelle. Mubakie na ile urembo ya kiasili. Alléluia. Amina. Pourquoi les gens sont dans ces choses? Parce qu'ils ont soif. Ils ont soif du monde. L'autre fois, j'ai vu un ami. Quand on m'a opéré la cataracte, on m'avait demandé de ne pas aller chez coiffeur. J'ai laissé mes cheveux. Alors, un ami m'a vu avec des cheveux blancs. Mais c'est comment? Qui a vieilli? Parce qu'il me voit toujours les cheveux coupés. Après, il m'a appelé. Il dit, quand j'étais vivant, j'ai pensé que je devais vous donner quelque chose pour que ça devienne noir. Les gens ont peur de vieillir. Bah, tu veux qu'on a un gros pas kuzeka. Tout est bon. Yote biko tu vizuri. La jeunesse c'est bien. Bibuya na ni muzuri. L'âge adulte c'est bien. Mkwa, la vieillesse aussi c'est na une bonne chose. Ni muzuri. D'ailleurs nous. Tena chie. Nous allons à la jeunesse éternelle. D'ici là, quand Jésus viendra, c'est pourquoi on ne se préoccupe pas de ses corps. Pourquoi d'ici là, Jésus est allé préparer une place. J'ai un corps et une théophanie qui me suit partout. C'est corps là-bas. Quand j'entrerai là-bas, il n'y aura pas de cheveux blancs. Et à la résurrection, lorsque nous aurons le corps glorieux, ma chère, ce sont des corps de gloire. Mon frère, attends qu'il est ma panne, vous dites, c'est rien. Parce que quand Jésus viendra, il y aura un corps qui n'est pas d'infirmité. C'est pourquoi nous on se préoccupe pas de souci, pas de la vieillesse. Nous savons que d'ici là, nous aurons des corps de la jeunesse. Alléluia. Amina. Lorsque Frère Branham a été ravi jusqu'au paradis, il a vu une soeur qu'il avait amenée à Christ qui avait 90 ans. Mais elle était jeune comme une femme de 18 ans. Alléluia! Pourquoi perdre le temps à arranger vos corps avec des choses qui, et puis vous attraper des cancers de peau? Là, nous aurons des corps, des corps de gloire. Alléluia. Amina. Si un bon de tout à quoi basouri. Tous nous serons beaux. Comment qu'on m'est aussi. Si tu es noir, tu seras noir mais beau. Moi opéré, moi opéré. Clair mais beau. Alléluia. Amina. Nous serons là. Nous deviendrons blancs. Comme nous sommes ici. Mais dans une beauté parfaite. Paul dit, ce sont les choses que les gens n'ont jamais vu, qui ne sont jamais montés dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amina. D'ailleurs, si Dieu te prend, il t'amène au paradis. Il te dit, rentre sur la terre. Où ta kata là. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes frères, venez à Jésus-Christ. Vous qui avez soif. Venez boire. Sans argent, sans rien payer. Dieu donne gratuitement. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Fatigué avec le péché. Una choka na zambi. Fatigué avec des soucis. Una choka na mangaiko. Fatigué avec des problèmes. Una choka na mamambo. Venez Muje à Jésus-Christ. Wa Yesu Christo. Il vous donnera du repos. Atemipatia. Prenez mon joug sur vous. Mubebeni nira yangu. Et recevez mes instructions. Yangu. Car je suis doux. Kwa sababu niko mpole. Humble de cœur. Na mnyenyekevu kwa moyo. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Na mutapata pumziko njoo manafsi. Le repos de nos âmes. Na pumziko manafsi. Ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Iko tu ndani ya Yesu Kristo. Amen. En dehors de Christ. Inje ya Kristo. Il n'y a pas de repos pour les âmes. Hakuna pumziko njoo na manafsi. Il n'y a pas de satisfaction. Hakuna kupendezwa. Alléluia. Amina. Pour suivre Jésus, Dieu a kufuata Yesu, vous devez renoncer à vous-même. Munapasha kujikatala mwe benyewe. Pour qu'il occupe la première place dans votre vie. Dieu apate kuikala hapa fazi ya kwanza mu maisha yenu. Car la parole de Dieu, kwa sababu neno la Mungu, exige la séparation totale avec toute incrédulité. Iko na lomba kuachanisha kabisa kabisa na kutokutii kote. Vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ. Kama hawezi kufuata Yesu Kristo. Et le monde au moment. Na dunia pamoja. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Je ne sais pas si tu es un homme. Ou des dieux des diacres, ou le mungu, ou des prédicateurs, non. Comme nous l'avons dit la semaine, Dieu est une présence réelle dans notre vie. Dans notre vie personnelle. Alléluia. Amen. Nous devons tout renoncer. Renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. C'était la difficulté pour ces jeunes hommes. C'était de renoncer à lui-même. Renoncer au succès qu'il avait. Tu vois quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il a beaucoup de succès. Même les autorités l'accueillent avec joie. On peut même vous sortir du bureau. Il sortait d'abord. Non, non, monsieur, un tel est là. Même l'autorité commence à sourire. Il sourit là. Je vois l'argent maintenant. Il a du succès. Eko nakafumu. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu nous demande de renoncer à ça. Inetuomba tuachane na vile bitu. Matthieu chapitre 16. Matayo 16. Verset 24. Makumi mbili na ine. Alors Jésus dit à ses disciples. Il a wakati Yesu akaeleza batu banafunzi yake. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amina. Chacun a une croix à porter. Kila mmoja eko na msalaba ya kubeba. La Bible dit. Biblia inasema. Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mon frère, ma soeur. Ndugu yangu na dada yangu. Chacun a une croix. Kila mmoja eko na msalaba. David a pleuré. David a ririaka. Le roi David. Mufalme David. Et chaque jour je suis frappé. Asekila kiko na nipika. Oh. Il y a toujours une grâce pour cela. Tuko paka neema juu ya ile. Alléluia. Amina. C'est lui qui veut suivre Jésus. Vous devez renoncer à vous-même. Même les moi qui bourrit. Parce que tu as étudié ma soeur, tu es licencié, tu parles avec ton mari comme si c'était un garçon de course. Tu vas aller en enfer pour ça. Tu vas aller en enfer pour ça. Une femme qui n'est pas soumise à son mari. Mwanamke yule asina mtiifu kwa mume. Le ciel est fermé pour elle. Ah, mbingu yeye kufungwa njia. C'est comme une église qui n'est pas soumise à Jésus-Christ. Iko kanisa ile aitii. Alléluia. Amina. Ma soeur, même si tu as des grands diplômes. Dada yangu atako na diplôme. Ton mari n'est pas six. Mume wako yuko desi. Comme c'est ton mari, tu dois te soumettre. Yeah, unapata kutii. Tu travailles. Kwa sababu bila kazi. Dans la maison, c'est ton mari qui est chef. Ah, ni bwana njoo yuko chef. Même si tu es ministre. Hata kama uko ministre. Tu dois te soumettre. Unapata kutii. Ce n'est pas les hommes. Aina batu. Qui ont fait une conférence. Ndio barifanya ka conférence. Il dit désormais, c'est ça, ça les femmes doivent se soumettre à nous. Banapata kutii. Non, c'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est Dieu qui a dit. Mungu femme, soyez soumises à mon mari. Mutii ba bwana Yesu. En toutes choses. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Léo. Suivez au niveau de télévision. Vous faites de quoi ma télévision? Émancipation de la femme. Oh, kupandisha mwanamke. Autonomie de la femme. Oh, aujourd'hui, les femmes sont devenues très têtues. Oh, Léo, mwanamke bana kwa kichwa. Mais vous, les filles de Dieu, lakini mwa binti ya Mungu. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Munapasha kutii neno la Mungu. Et vous, les hommes, na mwe banaume. Dieu aussi dit, Mungu naye anasema, aimez vos femmes comme votre propre corps. Comment tu peux taper ta femme? Comment tu peux injurer ta femme? Comment tu peux injurer ta femme? Tu la méprises avec les papas des gens, les papas des enfants. Si tu ne te réponds pas, tu n'arranges pas ta vie. Tu vas en enfer. Dis amen, frère. Ndugu sema amen. Amen. Chacun a sa part dans la Bible. Biblia. Alléluia. Amen. Même si sa femme a un caractère difficile. Biblia, continue toujours à l'aimer. Endeleza pa kumupenda. C'est cet amour-là ni ile mapendo qui va la transformer. Dieu itamugeuza. Alléluia. Amina. Et vous les sœurs, c'est namwe, la même chose. Je connais une sœur à Mwadingusha. Ninajua dada moi ku Mwadingusha. Dakium. Son mari voulait la chasser parce qu'elle ne mettait pas au monde. Mume wake alitaka kumwandamaka kwa sababu asikwanze kuzaa. Mais le mari n'a pas su. Lakini anamchokoza mambo yote. Et la prove, il la prove que dans tous les temps. Alikuwa paka mumzi. Son mari lui met les dix aux gens. Ah, bwana yeye mwenye anaenda kusema. C'est comment la chasser. Et motif mfukushe namna hiyo. Tellement il est soumise. Eko tu mutifu namna moya. Je n'ai pas trouvé le motif. Mimi nashinda tu namna kumfukusha. Et Dieu dans sa grâce, na Mungu mnema yake, il lui a donné des enfants. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'étais à Mwadingusha. Son mari a commencé à venir à l'église. Pourquoi? Votre position, musimamo yako, ne l'abandonnez pas. Toi, ma soeur, accomplis ta parole. Accomplis ton commandement. Le reste de Dieu va agir. Mungu yemu yatatenda. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est terrible, hein? Ça va venir matata. Il y a des sœurs terribles. Mais il y a aussi des filles de Dieu. Qui vivent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas correct, ma soeur, revenez à la parole. Arrange ta vie. Jésus vient bientôt. Amen. C'est le temps de préparation. Jo, wakati, la préparation kuditayarisha est liée à l'obéissance. Kuna fungana et l'obéissance na kuti nous conduit dans la sanctification. Kune tusukuma mutakaso. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je surveille mon temps. Ah, nikuna angalishisha kwa wakati yangu. J'ai encore 2 minutes. Ah, ningari na dakika 10. Si quelqu'un veut venir à moi après moi, mutu akitaka kuja kunifuata, il renonce à lui-même. Ajikatali. Suivre Jésus-Christ. Kufuata Yesu Kristo. C'est renoncer à soi-même. Ni kujikatala. Renoncer à votre gloire. Ukatale. Renoncer à votre honneur. Ukatale heshima yako. Alléluia. Amina. Ici, il n'y a pas de grand homme. Hapa kuna mtu mkubwa. Ici, il n'y a pas de chef. Hapa mna chefu. Il n'y a pas de frère chef. Hapana ndugu chef. Il n'y a pas de frère ceci, cela. Hapana ndugu fulani fulani. Nous sommes des frères et sœurs. Ndugu na badada. Kunaisha. Alléluia. Amina. Mais il y a des frères. Mais lakini kuko banduku. Il vient, il devient chrétien, mais il veut toujours garder les galons. Je suis directeur. Je suis ceci. Nous, Jésus a déjà tout coupé. Amen. Pour que nous soyons des frères et des sœurs. Même les titres. Titre. C'est sur la terre. Mais toi, frère aussi. Maintenant, tu vas te moquer de ton frère, utenda, chef ou tout. Utenda kuchekelea nduku yako chef. Il va te punir. Atakupika. Atakulipiza. On travaille. Kukaji. Si Dieu a établi un frère chef. Kama Mungu aliweka nduku mwa chef. Je dois l'obéir et le respecter. Mina pasha kumutii na kumheshimia vile eko chefu. Vous avez compris? Munaelewa? Parce qu'il y a des frères qui ne comprennent rien. Au boulot, il faut te conforter comme un travailleur. Te soumettre à ce frère là-bas. Bonjour chef. Je bénis chef. Oui, directeur. Qu'est-ce que je dois faire? Allez faire ceci. Ok. Et toi, tu dois être un exemple. On travaille plus que les païens. Pour que les païens n'aient pas l'occasion de critiquer la parole. Allez, même ne le respecte pas. C'est ça la parole de Dieu. La Mungu. Vous avez compris? Munaelewa. Le chef vit sa parole. Chef, toi aussi tu dois vivre ta parole. Unaishi neno yako. Ya kipande yako. Il y a des frères qui ne comprennent rien. Kwa bantu kwa bashiki yake kintu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. savons que nous sommes des frères. Tout na jua, ni akaba mais il est mon chef au travail. Mais eko chef yangu mukaji. Ton chef, ton frère est devenu DG. Ndugu yako quand tu arrives là, il est assis avec les ministres. Oh, ministre, c'est oh, ndugu. C'est comme ça. Jovile. La Bible dit honorer ceux qui sont élevés en dignité. Mwe mheshimi bale bananyanyuiwa mheshima. Bonjour monsieur le DG. Na jambo bwana DG. Bwana mjambo bwana DG. Peut-être lui veut dire frère. Ngine tabia ndugu kuya. Ah frère. Ah ndugu yangu kuya. Frère venez. Comment ça va frère? Kuya ndugu ndugu habari. Ah hapa ame mzuri DG. C'est comme ça. Jo file. Vous avez compris? Munaelewa? Nous allons au ciel, non? Tuko naenda kumbingu. Nous allons au ciel, non? Tuko naenda kumbingu. Nous devons accomplir toute justice. Tunapasha kutimiza uwaki wote. Parce qu'il y a des frères qui ne comprennent rien. Kwa sababu kabelewe kitu. Mais il va te mettre à mise à pied. Ah, tu chata kufanya. Jo na kwako pasteur, pasteur, pasteur. Pasteur. Le frère m'a mis à mise à pied. Ana kuenda nifanye mise à pied. Tu n'étais pas un frère obéissant. Akukwe nduku mwa mutiifu. Surtout nous, nous devons donner des exemples. Zaidi ici, tu n'as pas chaque lettre mufano. Alléluia. Amen. Qui se charge de ça quoi qui me suit? A dit lui qui est musalaba yak. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie. Quand ça va vouloir t'apprendre à couvrir. La perdra. A tes hypothèses. Mais là, c'est lui qui la perdra à cause de moi. La qui nous la déposera. Alléluia. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner nini? Tout le monde? Guamuto a pas de goût. S'il perdait son âme. La qui n'a pas poté sa nafsi yak. Et que donnera un homme à l'échange de son âme? Namuto a telé tani ni joko kombo la nafsi yak. Alléluia. Amen. Que servira un homme? Il t'a aidé en ligne pour de gagner le monde entier. Ah oui, ne donnez pas de glorifié. On danse pour toi. Tu as beaucoup de bien. Et à la fin, tu perds ton âme. On a porté la nafsi. Beaucoup de gens meurent. On fait même des grands discours. Il était comme ça. Docteur en ceci. Docteur Mukifulani. Docteur en philosophie. Docteur Mufilosophie. Docteur. Docteur. En science, je ne sais pas. Comme Michiwe, comme les vins du Kani. Master, management. Kupijua sana, mugunu, tout ça tombe à la tombe. Yote binangukaka mutkaburi. Amen. Alléluia. Amen. Quand cela arrive, parce que coule où n'est. Ah, on a ma master. Il y a pas de master. Là-bas. Coule. Il y a pas de master. Ah, on a master. C'est on est bijoua sana. Il y a pas de docteur. Ah, on a vous docteur. Vous allez seulement avec ton âme. Ouais, et ce sont des œuvres qui t'accompagnent. À quoi servira un homme de gagner le monde entier? Et perdre son âme. Na, je voudrais perdre le monde. Avoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen. C'est pourquoi. Dieu dans cet âge, il nous a donné une convocation. De Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto wa piri, sura ya sita. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mushidiweke na bausho kwa mini uchini ya nira ya kigeni. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Sababu ni patanisho kaniko katikati ya uwaji na uovu. Y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ni nini yuko kimoya katikati ya nuru na giza? Na za barafiki yako poka ba ndumba je. Comment tes amis ne sont que des prostituées? Barafia ou pas papagano. Comment se fait-il que tes amis ne soient que des païens? Oh, les sœurs. Je veux la chimanga c'est papagano. C'est comme ça qu'on critique. Bah, ma chimanga va sœur. Oh, les sœurs sont critiqueuses. Sont des critiqueuses. Où les rafikiens comme papagano t'as mis ni? Et ton ami la païen va. Quelle influence que tu manifestes? Ni ou foutu kanigo non échappe à les Yuliak. Parce que dada moya rukushimanga. Parce que une sœur a critiqué. Alors toutes les sœurs sont devenues critiqueuses. Faites attention. Kalamuka. C'est comme certains frères. Un frère l'a escroqué. Kanisa y'a pas escroqué. Oh, l'église. Ah, chez vous, tu n'as pas l'escroqué. Nous tous, nous sommes escroqués. Faites attention. Ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu. Amen. Et quel témoignage vous rendez gloire? Vous rendez devant les païens. Un seul frère t'a excroqué. Vous avez un problème avec les frères. Pas avec l'église. Kanisa y'a pas mouiche. Frère Mouya Rukwiba. Chez vous, tu trouves pas mouiche. Tous nous sommes devenus des voleurs. Bien sûr, chez vous, tu trouves pas mouiche. Non, tu la joues à peu près aux trois sortes de quoi. Nous savons qu'il y a une tatu y'a pas mouiche. Nous le savons. Alléluia. Amina. Les vrais croyants sont là. Bah, il faut pas faire quoi pour. Les similis croyants sont là. Un pied dedans, un pied dehors. Les incrédules sont aussi ici. Mais le peuple de Dieu est là. L'épouse de Jésus est ici. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quel rapport entre Christ et Belial? Quel part les fidèles avec les fidèles? Quel part a les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est le temps de sortir. Sortir des faux enseignements. Sortir des dénominations. Sortir de Babylone. Alléluia. Amina. Sortir du monde. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Engane, pas seulement sortir. Nous devons nous séparer de toutes ces choses. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils. Et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est le temps de sortir. C'est l'appel de sortir. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Pour nous préparer à la seconde venue de Jésus. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pour nous préparer à la seconde venue de Jésus. Amen. Amen. Retrouvons maintenant ce jeune homme riche. Sasa turudie kwa ule kijana mtajiri. Quand il est parti, wakati alienda, il a progressé. Anaendelea. Les affaires ont marché. Biashara iliendelea. Il a continué comme rien n'était. Anaendelea, sasa tu hakukua hata kitu. Mais il ne savait pas qu'il avait pris une décision grave. Lakini hakujua ya kwamba alibeba mpango mwa ya matata sana. Une très mauvaise décision. Rejeter Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il avait une opportunité. Comme vous êtes venus ce matin. De voir Jésus-Christ. Il a eu cette opportunité. Bâti. Il n'y a pas une si bonne opportunité comme rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a rejeté. Il est rentré. Il a continué à faire les affaires. Il était populaire. Il faisait beaucoup de monde à l'église. Il allait toujours au temple. Il faisait de bonnes choses. Quand on les voyait, même à l'église, les souverains sacrifiés lui donnaient une bonne place au temple. C'était les bienfaiteurs de l'église. Mais devant Dieu, il était perdu. Les affaires ont marché. Dans Luc 12, 15. Verset 16. Il leur dit cette parole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Mabulongo ya mtu mtajiri ibiletaka ilitowaka sana mavuno. Il raisonna lui-même disant. Akaufikiri ndani yake mwenyewe. Que ferais-je? Tafani. Quand je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'abattirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte. Et tous mes biens. Je dirai à mon âme. Mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup des années. Repose-toi. Mange. Kuria. Bois. Réjouis-toi. Na, upate kufurahiwa. Il était un insensé. Alikuwa pumbafu. L'âme. Naf. Ne mange pas ces choses. Aikuria ne réjouis pas des choses comme aifuraiwa ça. Juu ya vitu vya hivi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Alléluia. Amen. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, aujourd'hui même, tu es insensé. Il dit, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Qui connaît les jours qui lui restent? Personne. Dieu lui dit, tu es insensé. Idiot, il y a un peu de temps. Il y a un peu de. Qu'est-ce que tu amèneras là-bas? Nini? Sans Jésus-Christ. Si Christ. Tu n'as pas vécu pour Christ. Kama si tu n'as pas marché pour Christ. Kama si tu n'as pas obéi à sa parole. Kama qui sera là-bas? David disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec moi. Il sera là pour me faire traverser. Alléluia. Amen. Il a vécu, Ariishi, ce jeune homme, Ulekiana, dans la joie terrestre. Mufura ya padunia. Il avait tous ses biens. Arikuana Mariake. Mais il y avait un pauvre Lazare. Lakini kulikuwa maskini Lazare. Qui venait demander chez lui. Ula raza kwa kulomba kwa le fils qu'elle mangeait quelque chose. Akurie kutu kitu. Il s'en occupait pas. Il méprisait Lazare. Mais Lazare, malgré qu'il était pauvre. Lakini, Lazare, et qu'il était mendiant. Il avait crié en Dieu. Ne méprisons pas les pauvres qui sont au milieu de nous. Parce qu'ils viennent demander chez nous. Si nous n'avons rien à leur donner, répondons-nous avec douceur et gentillesse. Ne les grondons pas. Amen. Amina. Lazare était pauvre. Lazare alikuwa maskini. Mais il avait crié en Dieu. Lakini alimwamini Mungu. Il avait accepté Dieu. Ariti kaka Mungu. Le riche est mort. Ule mtajiri alikufa. Lazare aussi est mort. Lazare naye alikufa. Luc chapitre 16. Luka 16. Il avait, verset 19, il avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante. Alikuwa naishi maisha moya ya furaha na ya mzuri kabisa. Joyeuse et brillante. Maisha ya furaha na ya mzuri ya kuwa. Mange très bien. Waraza kula mzuri. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Yake Lazare, kwa kulala kumulango yake. Couvert d'ulcère. Mwenye kwa na bipote bia mingi. Et désiré se rassasier des miettes qui tombaient de la table. Na arianza kutafuta kujiba kwa ta ile mwenye. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ata baimbwa baraza kwa kulambula ile mabipote yake. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Lazare. Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. L'enfer existe. Beaucoup de gens meurent sans Christ. Ils sont bons en enfer. Même si on amène des fanfares, comme je vois ça à Kinshasa, beaucoup de fanfares. Il y a même des gens qui dansent avec les cercueils. Mais vous savez où est-ce qu'il se trouve, celui-là pour qui vous dansez? Si vous pouvez rentrer à son âme est coincée. Nafi yake basha kuifunga. Dans le tourment. Inesha kujama mu mangaiko. Mes frères et sœurs. Bandugu yangu na badada yangu. Si nous pensons à nos frères. Kama tuko na kumbuka badugu yetu na badada yetu na waamini. Tunapasha kuombea kabisa. Allez les supplier de croire. Kwenda kubasi ba muamini yetu. Parce qu'il quitte la terre. Baba kitoka pa dunia. C'est fini. Unaisha. Les tickets enlevés. Ah, tickets banatosha. Mais les gens pour s'encourager. Lakini bantu jua kujikankamisha misho kutanisana mungu mwana. L'enfer n'existe pas. Bongo! L'enfer existe! Le paradis existe! Na enye paradis l'enfer aussi existe! Jésus n'a pas parlé ici en enfer! Mungu asikusema ke diabule. Alléluia! Amen. Ces choses ont été écrites pour nous instruire. Hivi vitu viliandikwa njia kutufundisha. Pour que nous ayons la crainte de Dieu. Tupate kuya na boka bwa Mungu. Mon frère, ma soeur. Ndugu yangu na dada yangu. Allons chercher les âmes perdues. Twendeni tukatafuteni manafsi yenye kupotea. Mais quoi ça fait peur? Ça me rend une galère d'aller dans votre regard. Ajuta te roa fana kuya. Dès qu'il rend l'âme, c'est fini, il est perdu. Comme un zombie. Et comme il est dans le péché. Il est perdu. Il est comme une potée. Oh mon frère, oh, ndugu yangu. Le riche est retrouvé en enfer. Mutajiri, arijikuta muades. Dans la prison. Mugereza. Frère Branham dit c'est un endroit affreux. Ndugu Branham yuko nasema ni fazi moya iko naleta boka. Un endroit affreux. Iko naleta boka. Il dit, c'est comme iko sa. Tu vois, tu fais un cauchemar. Unaona kama unaanza kulota ndoto mwa mubaya ya boka. Tu vois que c'est un serpent qui fait unaona nyoka anakuwa kulumu. Kulamuka au lamuke. Tu sais pas te réveiller. Kulala utalala tu unaona nyoka. Tu dormir parce que tu vois. Donc on doit chercher un point de vue. Tu entends seulement crier. C'est un endroit comme ça. Donc on fait des villes. L'autre fois on a même descendu là-bas. Parce que Dieu l'a fait visiter là-bas. Mungu alimtembeza mwili. Il a trouvé les gens de ouh. Akaona watu. C'est là il a vu les femmes maquillées. Donc elle rentre au Tanzania, elle va les manomuke ba kuripenta. Mal habillé. Benye kuvala mbaya. Maquillé là-bas. Benye kuripenta mule. Tu penta, tu la toka mungena. Il a vu les hommes qui sont en prison là-bas. Allez lire la prédication. Mwendeni mkasome les hommes qui sont maintenant en prison. Il est manafsi yuko sasa mugereza. Alléluia. Amen. Un jour il circulait aux États-Unis. Il a vu une femme. Anaona mwanamke mmoja. Maquillée habillée comme les femmes qu'il avait vu en enfer. Mwenye kuripenta paka fila rionaka. C'est pourquoi il a prêché les âmes qui sont maintenant en prison. Il a été là-bas. Il dit, j'ai crié maman. Maman n'était pas là. J'ai crié Dieu. Dieu n'est pas là. Il a dit, Seigneur, si tu m'enlèves de cet endroit, je te servirai toute ma vie. Et Dieu l'avait réveillé. Parce que c'est quand on l'opérait, son ami avait tiré des balles dans ses chambres. Dans le temps où on opérait, il n'y avait pas d'anesthésie. C'est ainsi qu'il est. Il a vu, il est parti, je descendais dans un trou sans fond. Il dit, maman n'était pas là. Dieu n'était pas là. J'ai crié. En tout cas, lakini, je ne te souhaite pas d'y aller. Si, mishu kutakie kwenda si tu n'as pas encore reçu Jésus, kama uyampokea Yesu, l'occasion t'est donnée. Batio. Je ne te fais pas peur. Mishu kushikirishe boka. Tu peux faire comme ces jeunes hommes. Refuser, c'est ton katala. Droit. Ay, ni sheria, ya. Mais je ne vous fais pas peur. Lakini, mishu je vous lis boka. La Bible, non? Mimi ne mitomia tu Biblia. Nous ne sommes pas là comme les télé-évangélistes. Amis, nous avons fait un motocar. Amis, nous avons fait un motocar. Ce n'est pas ça. L'évangile. Nous prêchons les gens qu'ils puissent se repentir de leurs péchés, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel afin qu'ils aient la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce n'est même pas difficile. Vous n'avez pas allé où on a fait ma Jésus dit dans Jean 5:24, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Si tu crois là où tu es assis là-bas, il y a la vie éternelle. Amen. C'était terrible. Il s'écrit, Abraham ait pitié de moi. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait faire de nous? Il pouvait me l'appeler Père Abraham. Abraham. Voyez, quand quelqu'un meurt, il est conscient. Allô? Alléluia. Amen. Ici, il était conscient. Père Abraham. Il savait même que Père Abraham c'était leur père. Abraham, parce qu'il était injuste. Aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Je ne te souhaite pas d'y aller. Je vous en d'autres soeurs en train de blaguer. Toi-même tu as tranché sur ton sort. Un élu de Dieu. Muteulu wa Mungu. Hata souhaitaka kwenda amo. Il ne pourra jamais kutaka ayali. Ne parlez pas comme des insensés. Apana kwanza kusema sa kumba. Mutendikatia mambo. Tu vas trancher sur ton sort. Joabishilani. Hata ungena tena. Hata ungena. Wala tu ungena we. Eh toi tu connais bien l'affaire toi. Je ne souhaite pas que d'y aller. Parce que Jésus a donné son sacrifice. Pour ne pas y aller. Abraham répondit. Ibrahim mon enfant. Souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Et Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous. Et pour un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. Et de là vers nous ne puissent pas le faire. Les riches disent. Je t'ai pris donc Père Abraham d'envoyer Lazare à la maison de mon père. Car j'ai cinq frères. C'était des héritiers. C'était des héritiers de ses biens. Peut-être qu'ils ont même hérité de la foi. Ils ont continué et perpétué. Il dit, j'ai mes cinq frères là-bas. Qui sont restés avec mes biens. En train de vivre la vie du péché. Envoie Abraham et Lazare. Pour qu'il ait raté ça. Ces choses. Afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Ils ont des prédicateurs. Ils ont des pasteurs. Qui les écoutent. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu es incrédule, même si un ange descend du ciel, il ne mourra pas. Même si un mort ressuscite, nous ne croyons pas que l'évangile est prêché par les morts. L'évangile est prêché par les vivants. Abraham répondit. Ibrahim Akajibu. Ils ont Moïse et les prophètes. Il Moussa il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va faire il Abraham lui dit. Ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. Ils ne laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Amen. Amen. Ce monsieur s'est quitté la terre. Pourquoi? Pourquoi? Il a refusé de suivre Jésus. Mais nous n'avons pas le temps. Mais je vais prendre un exemple de quelqu'un qui a refusé la gloire terrestre. C'est Moïse. Hébreux chapitre 7. Il y en a plusieurs. Les pierres, ils ont tout laissé, ils ont laissé les filets. Hébreux chapitre 11. Hébreux 24 à 27. C'est par la foi. Ni kwa imani. Que Moïse est devenu. Jo Musa. Kisha kwa mkubwa. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Akakatala kuitwa mwana wa Pharaon. Et même être maltraité avec le peuple de Dieu. Alipenda mzuri kuteswa na Mungu. Quel avoir pour rendre la jouissance du péché. Kuliko kuwa njoo ya muda fulani ya na furaha ya dhambi. Moïse a refusé d'être Pharaon. Musa alikatala kuwa Pharaon. Roi d'Égypte. Mfalme wa Yemi. Quelle gloire. Ni utukufu. Il a refusé. Alikata. Il devait seulement rester. Alipasha tu kubaki. Avec les jolies femmes qui pouvaient les vanter. Amen. Il avait vu les trésors de l'Égypte. Aliona ma voisine na utajiri ya Misri. Comme les histoires inutiles. Ça vit vivement bien chaud man. Mais il avait accepté là le propre de Christ. Na pale arichika u. Beba haya ya Yesu Christ. Consolons que de toi. Ma kuchekele. Toi et jeune garçon. Ugo mbafu. Aujoué ma namuke. Oh, moi je suis chrétien. Oh, mi jeune fille, aujoué ma naume. Tu ne connais pas les hommes. Non, accepte qu'on se moque de toi. Parce qu'il y a une rémunération. À la fin, pour avoir obéi à la parole, tu auras ta rémunération. Amen. Il avait les yeux fixés sur l'invisible. Parce que les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternels. Alléluia. Amen. Voilà l'exemple que nous devons suivre. Des gens qui ont tout abandonné. Comme le Paul, nous avons vu ça. Il est tout ce qui était des gains. C'est devenu de la coup pour moi. À cause de la connaissance de Christ. Amen. Amen. Comme Daniel à Babylone. Ça, Daniel, on l'emmenait dans le palais du roi. Marmuleta, il devait manger les mains du roi. Arrasa, ils ont dit, je ne peux pas me souiller. Moi, je suis un juif. Je respecte la loi de Jéhovah. Il dit, moi, je vais manger de légumes. Il a refusé de se souiller avec les mains du roi. Alléluia. Amina. Pour terminer. C'est le père dans la foi. Ni baba ni katika imani. Abraham. Ibrahim. Dieu a appelé Abraham. Mungu alimuita Ibrahim. Il l'a amené au Cana. Akampeleka mkana. Mais la Bible dit. Lakini Biblia inasema. Quand Abraham est arrivé au Cana. Wakati Abraham alifika Cana. Il n'a pas voulu bâtir une ville. Ashukutafuta kujenga mji. Alléluia. Amina. Dans le pays des promesses. Muichi ya malaku. Toujours dans Hébreux chapitre 11. Paka mu Ibrania 11. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, toujours l'obéissance, parti pour un lien qui devait recevoir l'héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est comme nous n'avons jamais été au ciel. Mais nous croyons que le ciel existe. Par la foi. Que toutes les promesses de Dieu sont vraies. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Yote ya Mungu iko. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Mungu hawezi kulani. Alléluia. Amina. Dieu ne peut pas mentir. Mungu hawezi kulani. Et tous les vrais croyants, na maminifu bote ils croient Dieu dans tout ce qu'il a dit. Na maminifu Mungu. Yote bila riseme. Alléluia. Amina. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. Imani, kuja, comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob. Mais co-héritier de la même promesse. Bariti, il attendait la cité. Qui a des solides fondements. Il est Dieu. Donc Dieu. Est architecte et le consultant. Alléluia. Pourquoi ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. Ils avaient les yeux fixés sur l'héritage. Notre héritage n'est pas sur la terre. Notre héritage est au ciel. Aujourd'hui d'abord, Dieu nous accorde d'abord la vie éternelle. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Nous ne mourrons plus. Amen. Et Jésus a dit ça, non? Je peux lire, hein? Celui qui a la vie éternelle ne peut pas mourir. Nous, nous dormons. Quand les frères, on les enterre là-bas, ils ne sont pas morts. Mort, ça veut dire séparés de Dieu éternellement. Nos frères dorment. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Lazare dort. Lisons dans Jean chapitre 11. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle foi. Hein? De Marthe. Marthe. Arrêtez, est-ce que ces soeurs-là n'étaient pas croyantes? Le royaume de Dieu, c'est moi pour les hommes. Est-ce que le royaume de Dieu, vous faites un peu de choses? Alléluia. Amen. Comme les Marthe. Ça va, Marthe. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, Marthe, tu le ressusciteras à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi vivra ataishi. Quand même il serait mort. Tous les frères qui ont crié en Jésus, qui sont morts, qui se sont endormis, ils vivront. Ataishi. Nous les verrons encore. Et quiconque vit, alléluia, crois en moi, nous croyons, non, ne mourrez jamais, alléluia, crois-tu cela, alléluia, et lui dit, oui Seigneur, je crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous aimez le Seigneur. Muna mpenda Bwana. Vous aimez sa parole. Muna penda neno lake. Soyez bénis de l'Éternel. Mubarikiwe na wa milele. Persévérez. Nous avons des promesses véritables. Nous ne sommes pas ici en vain. Un jour, nous quitterons cette terre. Nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Aujourd'hui, nous nous préparons. Nous mettons nos vies en ordre. Parce que Jésus vient bientôt. Alléluia. Amen. Le temps est proche. D'ici là, je ne sais pas, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans un mois, je ne sais pas. Cependant, tous les signes que Jésus avait donnés sont devant nous. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Y a-t-il quelqu'un ici? Un homme ou une femme qui veut donner sa vie à Christ, qui lève son doigt. Nous prierons pour lui. Tutamuombea. Et nous l'amènerons au sceau de baptême. Y a-t-il un homme ou une femme qui a entendu l'évangile ce matin, qui veut donner sa vie à Christ, qui lève son doigt, ou qu'il vienne ici devant. Nous allons prier pour lui. On amènera aux eaux de baptême. Tampereka kumaja ubatizo. Frère, ndugu yangu, l'heure faut avancer. Wakati nesa kusonga kabisa. Jésus vient bientôt. Yesu kunakuja sasa hivi. Il y a quelqu'un qui a levé le bras là-bas. Que Dieu bénisse son frère. Venez ici devant, nous prierons pour toi. Ndugu yako mbele tutakuombea. Qui est aussi un enfant d'Abraham. Nawe uko mtoto wa Ibrahimu. Il y a un frère qui avance ici. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Christ pour qu'on l'amène aux eaux de baptême, pour qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, venez ici. Que Dieu vous bénisse. Il y a une soeur qui s'avance. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, c'est le jour des grâces. Aujourd'hui, Jésus sauve. Demain, il vous condamnera pour n'avoir pas cru. Voyez ce jeune homme riche. Il a refusé. Il a été perdu. Mais Dieu t'aime. Dieu n'aime pas que quelqu'un aille en enfer. Il fait que les gens se répandent et qu'ils reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel. Venez, mon frère. N'hésitez pas. Nous attendons. C'est le temps des grâces. Jésus sauve encore. Il pardonne les péchés. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu peut te pardonner. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Il y a un frère qui avance. Un deuxième frère qui avance. Y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Oh mon frère. Sans argent, sans rien payer. Le salut est gratuit. Si tu crois, aujourd'hui même, pas demain, tu as la vie éternelle. Alléluia. Amina. Y a-t-il encore un frère? Nous ne sommes pas pressés. Nous vous attendons, mon frère. Venez. Jésus t'aime. L'homme de Galilée. Oh, il t'appelle avec une voix douce aujourd'hui. Venez, pécheur. J'ai donné ma vie pour toi. Venez, pécheur. Même si ton tes sont rouges, comme la cramoisie, ils seront blancs comme la neige. Il y a une sœur qui vient d'avancer. Et Dieu te bénisse, ma sœur. Il n'y a pas une autre sœur qui peut venir s'ajouter à ceux qui sont devant. Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu meurs dans les péchés et que tu sois perdu. Oh mon frère, l'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges, et non pour les hommes. Mais Dieu